À l'occasion du 5e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un pour opérer dans l'administration du territoire national, l'innovation révolutionnaire requise par l'édification d'une puissance socialiste prospère, l'exposé scientifico-technique national du secteur de la protection de la nature a eu lieu le 11 au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont participé les officiels intéressés, les scientifiques, techniciens et enseignants du secteur de protection de la nature, et plus de 300 thèses y ont été présentées. On a conféré les diplômes et prix aux meilleurs participants.